La vengeance d'une femme. J'ai souvent entendu parler de la hardiesse de la littérature moderne, mais je n'ai, pour mon compte, jamais cru à cette hardiesse-là. Ce reproche n'est qu'une forfanterie de moralité. La littérature qu'on a dit si longtemps, l'expression de la société, ne l'exprime pas du tout. Au contraire, et quand quelqu'un de plus crâne que les autres a tenté d'être plus hardi, Dieu sait quel cri il a fait pousser. Certainement, si on veut bien y regarder, la littérature n'exprime pas la moitié des crimes que la société commet mystérieusement et impunément tous les jours, avec une fréquence et une facilité charmantes. Demandez à tous les confesseurs, qui seraient les plus grands romanciers que le monde aurait eus, s'ils pouvaient raconter les histoires qu'on leur coule dans l'oreille au confessionnal. Demandez-leur le nombre d'incestes, par exemple, enterrés dans les familles, les plus fières et les plus élevées. Et voyez si la littérature, qu'on accuse tant d'immorale hardiesse, a osé jamais les raconter, même pour en effrayer. À cela près du petit souffle, qui n'est qu'un souffle, et qui passe, comme un souffle, dans le René de Chateaubriand, du religieux Chateaubriand, je ne sache pas de livre où l'inceste si commun dans nos mœurs, en haut comme en bas, et peut-être plus en bas qu'en haut, ait jamais fait le sujet franchement abordé d'un récit qui pourrait tirer de ce sujet des effets d'une moralité vraiment tragique. La littérature moderne, à laquelle le béguelisme jette sa petite pierre, a-t-elle jamais osé les histoires de Mira, d'Agrippine et d'Oedipe, qui sont des histoires, croyez-moi, toujours et parfaitement vivantes, car je n'ai pas vécu, du moins jusqu'ici, dans un autre enfer que l'enfer social. J'ai pour ma part connu et coudoyé pas mal de Mira, d'Oedipe et d'Agrippine dans la vie privée, et dans le plus beau monde, comme on dit. Parbleu, cela n'avait jamais lieu, comme au théâtre ou dans l'histoire. Mais à travers les surfaces sociales, les précautions, les peurs et les hypocrisies, cela s'entrevoyait. Je connais, et tout Paris connaît, une Madame Henri III qui porte en ceinture des chapelets de petites têtes de mort, ciselées dans de l'or, sur des robes de velours bleu, et qui se donne la discipline, mêlant ainsi au ragoût de ses pénitences le ragoût des autres plaisirs de Henri III. Or, qui écrirait l'histoire de cette femme, qui fait des livres de piété, et que les jésuites croient un homme, joli détail plaisant, et même un saint? Il n'y a déjà pas tant d'années que tout Paris a vu une femme du faubourg Saint-Germain prendre à sa mère son amant, et furieuse de voir cet amant retourner à sa mère, qui, vieille, savait mieux pourtant se faire aimer qu'elle, voler les lettres très passionnées de cette dernière à cet homme trop aimé, les faire lithographier et les jeter par milliers du paradis, bien nommé pour une action pareille, dans la salle de l'opéra, un jour de première représentation. Qui a fait l'histoire de cette autre femme-là? La pauvre littérature ne saurait même pas quel bout prendre de pareilles histoires pour les raconter. Et c'est là ce qu'il faudrait faire si on était hardi. L'histoire a des tacites et des suétones. Le roman n'en a pas, du moins en restant dans l'ordre élevé et moral du talent et de la littérature. Il est vrai que la langue latine brave l'honnêteté, emppaïenne qu'elle est, tandis que notre langue, à nous, a été baptisée avec Clovis sur les fronts de Saint-Rémy, et y a puisé une impérissable pudeur, car cette vieille rougit encore. Nonobstant, si on osait, oser un suétone ou un tacite romancier pourrait exister, car le roman est spécialement l'histoire des mœurs, mise en écrit et en drame, comme l'est souvent l'histoire elle-même. Et nulle autre différence que celle-ci, c'est que l'un, le roman, met ses mœurs sous le couvert de personnages d'invention, et que l'autre, l'histoire, donne les noms et les adresses. Seulement, le roman creuse bien plus avant que l'histoire. Il a un idéal, et l'histoire n'en a pas. Elle est bridée par la réalité. Le roman tient aussi bien plus longtemps la scène. Lovelace dure plus dans Richardson que Tibère dans Tacite. Mais si Tibère dans Tacite était détaillé comme Lovelace dans Richardson, croyez-vous que l'histoire y perdrait et que Tacite ne serait pas plus terrible? Certes, je n'ai pas peur d'écrire que Tacite, comme peintre, n'est pas au niveau de Tibère comme modèle, et que malgré tout son génie, il en est resté écrasé. Et ce n'est pas tout. À cette défaillance inexplicable, mais frappante dans la littérature, quand on la compare dans sa réalité avec la réputation qu'elle a, ajoutez la physionomie que le crime a pris par ce temps d'ineffable et de délicieux progrès. L'extrême civilisation enlève au crime son effroyable poésie, et ne permet pas à l'écrivain de la lui restituer. Ce serait par trop horrible, disent les âmes, qui veulent qu'on enjolive tout, même l'affreux. bénéfice de la philanthropie, d'imbéciles criminalistes diminuent la pénalité et d'ineptes moralistes le crime, et encore ils ne le diminuent que pour diminuer la pénalité. Cependant, les crimes de l'extrême civilisation sont certainement plus atroces que ceux de l'extrême barbarie par le fait de leur raffinement, de la corruption qu'ils supposent et de leur degré supérieur d'intellectualité. L'Inquisition le savait bien. À une époque où la loi religieuse et les mœurs publiques étaient fortes, l'Inquisition, ce tribunal qui jugeait la pensée, cette grande institution dont l'idée seule tortille nos petits nerfs et escarbouille nos têtes de linotte, l'Inquisition savait bien que les crimes spirituels étaient les plus grands, et elle les châtiait comme tels. Et de fait, si ces crimes parlent moins au sens, ils parlent plus à la pensée, et la pensée, en fin de compte, est ce qu'il y a de plus profond en nous. Il y a donc pour le romancier tout un genre de tragique inconnu attiré de ces crimes, plus intellectuels que physiques, qui semblent moins des crimes à la superficialité des vieilles sociétés matérialistes, parce que le sang n'y coule pas, et que le massacre ne s'y fait que dans l'ordre des sentiments et des mœurs. C'est ce genre de tragique dont on a voulu donner ici un échantillon, en racontant l'histoire d'une vengeance de la plus épouvantable originalité, dans laquelle le sang n'a pas coulé, et où il n'y a eu ni fer ni poison. Un crime civilisé, enfin, dont rien n'appartient à l'invention de celui qui le raconte, si ce n'est la manière de le raconter. Vers la fin du règne de Louis-Philippe, un jeune homme enfilait un soir la rubasse du rempart, qui dans ce temps-là méritait bien son nom de la rubasse, car elle était moins élevée que le sol du boulevard, et formait une excavation toujours mal éclairée et noire, dans laquelle on descendait du boulevard par deux escaliers qui se tournaient le dos, si on peut dire cela de deux escaliers. Cette excavation, qui n'existe plus, et qui se prolongeait de la rue de la Chaussée-d'Antin à la rue Caumartin, devant laquelle le terrain reprenait son niveau, cette espèce de ravin sombre où l'on se risquait à peine le jour, était fort mal hanté quand venait la nuit. Le diable est le prince des ténèbres. Il avait là une de ses principautés. Au centre à peu près de cette excavation, bordée d'un côté par le boulevard formant terrasse et de l'autre par de grandes maisons silencieuses à portes cochères et quelques magasins de bric-à-brac, il y avait un passage étroit et non couvert, où le vent, pour peu qu'il fît du vent, jouait comme dans une flûte, et qui conduisait le long d'un mur et des maisons en construction jusqu'à la rue Neuve des Mathurins. Le jeune homme en question, et très bien mis du reste, qui venait de prendre ce chemin, lequel ne devait pas être pour lui le droit chemin de la vertu, ne l'avait pris que parce qu'il suivait une femme qui s'était enfoncée sans hésitation et sans embarras dans la suspecte noirceur de ce passage. C'était un élégant que ce jeune homme, un gant jaune, comme on disait des élégants de ce temps-là. Il avait dîné longuement au café de Paris, et il était venu, tout en mâchonnant son cure-dent, se placer contre la balustrade à mi-corps de Tortigny, à présent supprimée, et guigner de là les femmes qui passaient le long du boulevard. Celle-là était justement passée plusieurs fois devant lui, et quoique cette circonstance, ainsi que la mise trouvoyante de ces deux femmes et le tortillement de sa démarche fussent de suffisantes étiquettes, quoique ce jeune homme, qui s'appelait Robert de Tressigny, fût horriblement blasé et qu'il revint d'Orient, où il avait vu l'animal femme dans toutes les variétés de son espèce et de ses races, à la cinquième passe de cette déambulance du soir, il l'avait suivi, chaînement comme il disait, en se moquant de lui-même, car il avait la faculté de se regarder faire et de se juger à mesure qu'il agissait, sans que son jugement, très souvent contraire à son acte, empêchât son acte, ou que son acte nuisît à son jugement, asymptote terrible. Tressigny avait plus de 30 ans. Il avait vécu cette niaise première jeunesse qui fait de l'homme le jocrisse de ses sensations, et pour qui la première venue qui passe est un magnétisme. Il n'en était plus là. C'était un libertin déjà froidi et très compliqué de cette époque positive, un libertin fortement intellectualisé qui avait assez réfléchi sur ses sensations pour ne plus pouvoir en être dupe, et qui n'avait peur ni horreur d'aucune. Ce qu'il venait de voir, ou ce qu'il avait cru voir, lui avait inspiré la curiosité qui veut aller au fond d'une sensation nouvelle. Il avait donc quitté sa balustrade et suivi, très résolu à pousser, à fin la très vulgaire aventure qu'il entrevoyait. Pour lui, en effet, cette femme qui s'en allait devant lui, déferlant onduleusement comme une vague, n'était qu'une fille de plus bas étage. Mais elle était d'une telle beauté qu'on pouvait s'étonner que cette beauté ne l'eût pas classée plus haut, et qu'elle n'eût pas trouvé un amateur, qui l'eût sauvé de l'abjection de la rue, car à Paris, lorsque Dieu y plante une jolie femme, le diable, en réplique, y plante immédiatement un seau pour l'entretenir. Et puis encore, il avait, ce Robert de Trécigny, une autre raison pour la suivre que la souveraine beauté, que ne voyaient peut-être pas ces Parisiens, si peu connaisseurs en beauté vraie, et dont l'esthétique, démocratisée comme le reste, manque particulièrement de hauteur. Cette femme était pour lui une ressemblance. Elle était cet oiseau moqueur qui joue le rossignol, dont parle Biron dans ses mémoires, avec tant de mélancolie. Elle lui rappelait une autre femme, vue ailleurs. Il était sûr, absolument sûr, que ce n'était pas elle, mais elle lui ressemblait à s'y méprendre, si se méprendre n'avait pas été impossible. Et il en était du reste plus attiré que surpris, car il avait assez d'expérience comme observateur pour savoir qu'en fin de compte, il y a beaucoup moins de variété qu'on ne croit dans les figures humaines, dont les traits sont soumis à une géométrie étroite et inflexible, et peuvent se ramener à quelques types généraux. La beauté en est une. Seule la laideur est multiple, et encore sa multiplicité est bien vite épuisée. Dieu a voulu qu'il n'y eût d'infini que la physionomie, parce que la physionomie est une immersion de l'âme à travers les lignes correctes ou incorrectes, pures ou tourmentées, du visage. Trécigny se disait confusément tout cela en mettant son pas dans le pas de cette femme, qui marchait le long du boulevard, sinueusement, et le coupait comme une faux, plus fière que la reine de Saba du Tintoret lui-même, dans sa robe de satin safran au ton d'or, cette couleur aimée des jeunes romaines, et dont elle faisait en marchant miroiter et crier les plis glacés et luisants comme un appel aux armes. Exagérément cambrée, comme il est rare de l'être en France, elle s'étreignait dans un magnifique châle turc à larges raies blanches, écarlate et or, et la plume rouge de son chapeau blanc, splendide de mauvais goût, lui vibrait jusque sur l'épaule. On se souvient qu'à cette époque les femmes portaient des plumes penchées sur leur chapeau, qu'elles appelaient des plumes en saule pleureur. Mais rien ne pleurait en cette femme, et la sienne exprimait bien autre chose que la mélancolie. Trécigny, qui croyait qu'elle allait prendre la rue de la Chaussée-d'Antin, étincelante de ses 1000 becs de lumière, vit avec surprise tout ce luxe piaffant de courtisane, toute cette fierté impudente de fille enivrée d'elle-même, et des soies qu'elle traînait, s'enfoncer dans la rue basse du rempart, la honte du boulevard de ce temps. Et l'élégant, aux bottes vernies, moins brave que la femme, hésita avant d'entrer là-dedans. Mais ce ne fut guère qu'une seconde. La robe d'or perdue un instant dans les ténèbres de ce trou noir, après avoir dépassé l'unique réverbère qui les tatouait d'un point lumineux, reluisit au loin, et il s'élança pour la rejoindre. Il n'eut pas grand-peine, elle l'attendait, sûre qu'il viendrait, et ce fut alors qu'au moment où il la rejoignit, elle lui projeta bien en face pour qu'il pût en juger son visage et lui campa ses yeux dans les yeux, avec toute l'effronterie de son métier. Il fut littéralement aveuglé de la magnificence de ce visage empâté de vermillon, mais d'un brun doré comme les ailes de certains insectes, et que la clarté blême, tombant en maigre filet du réverbère, ne pouvait pas pâlir. « Vous êtes espagnol, fit Trécigny, qui venait de reconnaître un des plus beaux types de cette race. »« Si, répondit-elle. » Être espagnol à cette époque-là, c'était quelque chose. C'était une valeur sur la place. Les romans d'alors, le théâtre de Clara Gazul, les poésies d'Alfred de Musset, les danses de Mariano Camprubi et de Dolores Serral faisaient excessivement priser les femmes oranges aux joues de grenade. Et qui se vantait d'être espagnol ne l'était pas toujours, mais on s'en vantait. Seulement, elle ne semblait pas plus tenir à sa qualité d'espagnol qu'à toute autre chose qu'elle avait fait chatoyer, et en français. « Viens-tu ?» lui dit-elle à brûle-pourpoint, et avec le tutoiement qu'aurait eu la dernière fille de la rue des Poulies, existant aussi alors. « Vous la rappelez-vous, une immondice ? Le ton, la voix déjà rauque, cette familiarité prématurée, ce tutoiement si divin, le ciel, et sur les lèvres d'une femme qui vous aime et qui devient la plus sanglante des insolences dans la bouche d'une créature, pour qui vous n'êtes qu'un passant, aurait suffi pour dégriser Trécigny par le dégoût, mais le démon le tenait. La curiosité, pimentée de convoitise, dont il avait été mordu en voyant cette fille, qui était plus pour lui que de la chair superbe, tassée dans du satin, lui aurait fait avaler non pas la pomme d'Ève, mais tous les crapauds d'une crapaudière. « Pardieu, dit-il, si je viens, comme si elle pouvait en douter, je me mettrai à la lessive demain, pensa-t-il. » Ils étaient au bout du passage par lequel on gagnait la rue des Mathurins. Ils s'y engagèrent. Au milieu des énormes moellons qui gisaient là et des constructions qui s'y élevaient, Une seule maison restait debout sur sa base sans voisine, étroite, laide, rechignée, tremblante, qui semblait avoir vu bien du vice et bien du crime à tous les étages de ses vieux murs ébranlés, et qui avait peut-être été laissée là pour en voir encore, se dressait d'un noir plus sombre, dans un ciel déjà noir. Longue perche de maison aveugle, car aucune de ses fenêtres, et les fenêtres sont les yeux des maisons, n'était éclairée, et qui avait l'air de vous raccrocher en tâtonnant dans la nuit. Cette horrible maison avait la classique porte entrebâillée des mauvais lieux, et au fond d'une ignoble allée, l'escalier dont on voit quelques marches éclairées d'en haut par une lumière honteuse et sale. La femme entra dans cette allée étroite, qu'elle emplit de la largeur de ses épaules et de l'ampleur foisonnante et frissonnante de sa robe, et d'un pied accoutumé à de pareilles ascensions, elle monta lestement l'escalier en colimaçon. Image juste, car cet escalier en avait la viscosité. Chose inaccoutumée à ses bouges. En montant, cet abominable escalier s'éclairait. Ce n'était plus la lueur épaisse du quinquet puant l'huile qui rampait sur les murs du premier étage, mais une lumière qui, au second, s'élargissait et s'épanouissait jusqu'à la splendeur. Deux griffes de bronze chargées de bougies, incrustées dans le mur, illuminaient avec un faste étrange une porte, commune d'aspect, sur laquelle était collée, pour qu'on sût chez qui on entrait, la carte où ces filles mettent leur nom, pour que si elles ont quelque réputation et quelque beauté, le pavillon couvre la marchandise. Surpris de ce luxe si déplacé en pareil lieu, Tressigny fit plus attention à ces torchères, d'un style presque grandiose, qu'une puissante main d'artiste avait tordu, qu'à la carte et au nom de la femme, qu'il n'avait pas besoin de savoir, puisqu'il l'accompagnait. En les regardant, pendant qu'elle faisait tourner une clé dans la serrure de cette porte, si bizarrement ornée et inondée de lumière, le souvenir lui revint des surprises des petites maisons du temps de Louis XV. « Cette fille-là aura lu, pensa-t-il, quelques romans ou quelques mémoires de ce temps, et elle aura eu la fantaisie de mettre un joli appartement plein de voluptueuses coquetteries, là où on ne l'aurait jamais soupçonné. » Mais ce qu'il trouva, la porte une fois ouverte, dut redoubler son étonnement, seulement dans un sens opposé. Ce n'était en effet que l'appartement trivial et désordonné de ces filles-là. Des robes jetées çà et là confusément sur tous les meubles, et un lit vaste, le champ de manœuvre, avec les immorales glaces au fond et au plafond de l'alcôve, disait bien chez qui on était. Sur la cheminée, des flacons qu'on n'avait pas pensé à reboucher, avant de repartir pour la campagne du soir, croisaient leur parfum dans l'atmosphère tiède de cette chambre où l'énergie des hommes devait se dissoudre à la troisième respiration. Deux candélabres allumés, du même style que ceux de la porte, brûlaient des deux côtés de la cheminée. Partout, des peaux de bêtes faisaient tapis par-dessus le tapis. On avait tout prévu. Enfin, une porte ouverte laissait voir par-dessous ses portières un mystérieux cabinet de toilette, la sacristie de ses prêtresses. Mais tous ces détails, Tressigny ne les vit que plus tard. Tout d'abord, il ne vit que la fille chez laquelle il venait de monter. Sachant où il était, il ne se gêna pas. Il se mit sans façon sur le canapé, attirant entre ses genoux cette femme, qui avait ôté son chapeau et son châle, et qui les avait jetés sur le fauteuil. Il la prit à la taille, comme s'il l'eût bouclée entre ses deux mains jointes, et il la regarda ainsi de bas en haut, comme un buveur qui lève au jour, avant de le boire, le verre de vin qu'il va sabler. Ses impressions du boulevard n'avaient pas menti. Pour un dégustateur de femmes, pour un homme blasé, mais puissant, elle était véritablement splendide. La ressemblance qui l'avait tant frappée dans les lueurs mobiles et coupées d'ombre du boulevard, cette femme l'avait toujours en pleine lumière fixe. Seulement, celle à qui elle le faisait penser n'avait pas sur son visage, aux traits si semblables qu'ils en paraissaient identiques, cette expression de fierté résolue, et presque terrible que le diable, ce père joyeux de toutes les anarchies, avait refusé à une duchesse et avait donné, pourquoi en faire, à une demoiselle du boulevard. Quand elle eut la tête nue, avec ses cheveux noirs, sa robe jaune, ses larges épaules dont ses hanches dépassaient encore la largeur, elle rappela la Judith de Vernet, un tableau de ce temps, mais par le corps plus fait pour l'amour et par le visage plus féroce encore. Cette férocité sombre venait peut-être d'un pli qui se creusait entre ses deux beaux sourcils, qui se prolongeait jusque dans les tempes, comme Tressigny en avait vu à quelques Asiatiques, en Turquie, et elle les rapprochait dans une préoccupation si continue qu'on aurait dit qu'ils étaient barrés. Souffletant contraste, cette fille avait la taille de son métier, elle n'en avait pas la figure. Ce corps de courtisane qui disait si éloquemment « prends », cette coupe d'amour aux flancs arrondis qui invitait la main et les lèvres, était surmonté d'un visage qui aurait arrêté le désir par la hauteur de sa physionomie, et pétrifié dans le respect la volupté la plus brûlante.